Devant ta croix, Seigneur, je réalise que tu as tout donné pour ton Église, ta chair, ton sang, ta vie pour qu'elle vive. Oh, moi aussi, Seigneur, je réalise ta chair, ton sang, ta vie pour que je vive. Moi aussi, Seigneur, je réalise et je veux, oui, je veux déposer à tes pieds mes fardeaux. Ô Seigneur, toi ma joie, ma source, mon repos, mon rocher, ma forteresse. Oui, je veux déposer à tes pieds les fardeaux de mon cœur. Mes peines, mes larmes et mes soucis, la haine, la hargne et le mépris, la colère, l'orgueil, la suffisance, et surtout, l'indifférence, oui, je veux déposer tout cela là au pied de ta croix.